microbiote, ça fait des mois que vous n'entendez parler que de ça. Mais passé les clichés des mauvais magazines de santé, que savez-vous vraiment? On fait le point sur cet univers microscopique qui vit en symbiose avec notre corps et qui prolonge notre durée de vie. La phosphine sur Vénus, c'est bien joli, mais ils sont où les petits aliens? On vous a déjà parlé du paradoxe de Fermi. Un astrophysicien de l'Observatoire de la Côte d'Azur a une nouvelle théorie pour expliquer pourquoi nous n'avons toujours pas eu de rencontre du troisième type. Et enfin, on vous a parlé des prix Nobel toute la semaine. Place à la science qui tâche. On fait le point sur les Ig Nobel dans cette émission. Microbiote, paradoxe de Fermi et Ig Nobel, c'est le programme iconoclaste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et à programme iconoclaste, équipe iconoclaste pour dérouler le fil de l'actualité scientifique, une équipe inédite, une configuration inédite pour cette semaine. Les tables tournent, c'est les chaises musicales, mais sans la compagnie créole. Bonjour Marion Montaigne. Bonjour. Scénariste, illustratrice, alias professeur moustache, autrice notamment récemment de Dans la combi de Thomas Pesquet et chez Dargo, mais de plein d'autres bandes dessinées. Bonjour Philippe Hénaréros. Bonjour. Rédacteur en chef de Ciel et Espace et bonjour Loïc Mangin. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint des hors-série pour la science, mais on commence par celle qui n'est jamais la dernière à zouker, surtout quand il s'agit de l'actualité scientifique de la semaine. On rêverait d'ailleurs d'un JDS zouké un jour. Natacha, tout le monde le réclame, c'est le journal des sciences de la semaine. Bonjour avec Natacha Triou, bonjour. Et on commence ce journal des sciences de la semaine avec EPICOV, la grande enquête de l'INSERM parue aujourd'hui. Selon cette étude, le Covid-19 exacerbe les inégalités sociales. Et cette étude a été conduite en mai sur un échantillon représentatif de plus de 135 000 personnes. Elle allie une perspective épidémiologique qui documente les tests sérologiques et en même temps, elle nous renseigne sur les conditions de vie des personnes. À ce sujet, c'est l'enquête la plus complète à ce jour. Elle donne une vue globale de l'épidémie dans toute sa complexité. Alors déjà, ça confirme qu'en mai, seuls 4,5% de la population à échelle nationale a été touchée par le virus. Mais selon où vous vivez, la prévalence n'est pas la même. Par exemple, dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette prévalence atteint les 11%. Nicolas, vous nous en parliez en avril déjà dans votre radiographie du coronavirus, et ce papier le confirme. L'épidémie touche d'abord les plus mal logés, les plus précaires, les professions essentielles, mais aussi les plus riches. Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'INSERM, est la co-responsable de l'enquête EPICOV. On a pu identifier clairement les facteurs qui étaient liés au fait d'avoir un test positif. C'est très important parce que ce sont beaucoup des facteurs qui renvoient aux conditions de vie des personnes. En particulier, le fait de vivre dans une commune de forte densité est très associé au fait d'avoir un test positif. De même que le fait d'être nombreux dans un foyer. Il y a un autre facteur qui est un peu plus attendu, je dirais, mais qui est objectivé pour la première fois dans cette enquête, c'est le fait d'avoir exercé une profession dans le domaine du soin. Donc, il s'agit des médecins, des infirmiers, infirmières ou des aides-soignants. Donc, c'est extrêmement important parce que les résultats de cette enquête attestent de l'importance des conditions de vie pour rendre compte d'une exposition au virus à travers un test sérologique. C'est aussi un des résultats fondamentaux de notre recherche, c'est la dimension cumulative des inégalités sociales, c'est-à-dire les personnes qui cumulent et le fait de vivre dans une région, dans une commune très dense, et de vivre dans un logement surpeuplé, et d'être sorti pour travailler. Donc vous voyez des indicateurs qui renseignent sur l'exposition au virus, et je prolongerai volontiers en disant que ces mêmes personnes sont aussi souvent les mêmes qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader dans le contexte de l'épidémie. On peut dire que le Covid-19 est une épidémie de classe ? Oui, on peut dire que c'est une maladie qui est très socialement marquée et très clairement, les personnes qui se sont contaminées pendant le confinement sont plus des personnes de milieux populaires. Donc on est passé d'une épidémie qui touchait essentiellement les catégories favorisées avant le confinement, qui s'explique d'ailleurs par le fait que les cadres supérieurs sont des personnes qui sont plus amenées à sortir, à voyager, à avoir des interactions sociales. Et le confinement arrivant, ces catégories ont été, on peut dire, protégées par le développement spectaculaire du télétravail. Un cadre sur deux, par exemple, a uniquement télétravaillé pendant la période de confinement, alors que ce chiffre n'est que de 1% dans les milieux ouvriers. Donc vous voyez un impact très différent de cette politique de confinement qui a été appliquée de manière universelle mais dont les effets ont été positifs pour tout le monde, mais beaucoup plus positifs pour certains groupes sociaux que pour d'autres. Voilà, les détails de cette enquête EPICOV de l'INSERM, vous pouvez les retrouver, on les a postés comme tous les jours sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Vous pouvez les retrouver également sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En bref, maintenant, Natacha, selon une étude parue dans la revue British Medical Journal, des règles irrégulières peuvent être liées à une mort précoce. Et c'est une étude américaine qui comble un manque de données sur la santé des femmes. Alors, chez les femmes, on considère qu'un cycle est irrégulier lorsqu'il dépasse les 40 jours. On sait qu'ils sont associés à un risque plus élevé de cancer de l'ovaire, de maladies cardiaques ou d'autres problèmes de santé. Les données collectées depuis 1989 sur près de 80 000 femmes en bonne santé montrent que celles qui ont des menstruations irrégulières sont plus susceptibles de mourir prématurément que celles qui ont des cycles réguliers. Un risque supplémentaire de 39%. Alors attention, les menstruations irrégulières ne sont en aucun cas un diagnostic. Néanmoins, cela indique que les règles peuvent être un baromètre de la santé globale à long terme. La CNIL, la Commission nationale de informatique et liberté, vient d'autoriser l'application Tadata, une application qui rémunère les moins de 25 ans contre leurs données personnelles. Et suite à une plainte d'Internet Society France, une association de défense des internautes, l'application avait été mise en arrêt cet été. Alors, Tadata propose aux 15-25 ans d'échanger leurs données personnelles auprès des annonceurs contre quelques euros ou des bons d'achat. Sur le site, on peut lire: on ne vend plus tes données dans ton dos, on fait tout dans la transparence. On suspectait un Tadata de ne pas respecter tous les points du RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. La CNIL ne voit aucune objection contre ce projet. Deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine, selon une étude apparaître dans la revue The Planetary Science Journal, il pourrait y avoir des fragments de Vénus sur la Lune. Et pour étudier Vénus, pour comprendre si cette planète a eu une atmosphère similaire à la nôtre ou s'il y a eu des océans liquides à sa surface, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ce sont les conclusions de cette équipe américaine. On sait que les impacts d'astéroïdes se sont produits plus fréquemment sur Vénus il y a des milliards d'années. Alors selon ce papier, de la matière de Vénus a pu être éjectée de la planète par des météorites, puis se mettre en orbite autour du Soleil, pour ensuite, au fil des années, arriver au niveau de l'orbite de la Terre et donc tomber sur la Lune. Grâce à des analyses isotopiques de roches lunaires, on pourrait déterminer leur origine, si ces roches viennent de Vénus, et si c'est le cas, en savoir plus sur l'histoire géologique de cette planète. Léa Gritton est docteur en astrophysique à l'IRAP de Toulouse et membre du comité de rédaction de la revue Astronomie. Sur la Terre, le problème, c'est qu'on a de la météo, des phénomènes météorologiques, de l'activité, etc., qui a effacé sans doute des traces très anciennes d'impact. Mais sur la Lune, comme il n'y a ni vent, ni pluie, ni rivière, etc., les impacts très anciens ont pu être conservés. Alors là, on parle d'échelles de temps très longues, 4,5 milliards d'années. Ils ont fait une étude de mécanique spatiale à très long terme, donc ils utilisent des modèles mathématiques qui permettent d'étudier des trajectoires de particules sur des milliards d'années. Et notamment, ils montrent que l'orbite de Vénus, et ensuite vu la physique de la trajectoire de ces particules qui peuvent être éjectées de Vénus, la physique fait qu'en fait, ces particules peuvent se retrouver en fait au bout d'un certain temps au niveau de l'orbite de la Terre, et donc de la Lune. Et donc c'est pour ça qu'en fait cet article, c'est un appel à poursuivre l'exploration lunaire, et notamment pour rapporter des échantillons, et ça c'est très important, parce que donc sur Terre, on a des moyens exceptionnels pour analyser les roches, et notamment ensuite, on a différentes teneurs en différentes matières, et notamment en eau, qui permettraient de distinguer ensuite les roches venant de Vénus ou les roches venant de la Lune. L'intérêt de cet article, c'est de démontrer qu'on peut effectivement, en allant sur la Lune, faire beaucoup plus que juste étudier l'histoire de la Lune ou de la Terre. Il faut aller chercher partout et ça amène des informations ensuite sur toute l'histoire du système solaire. En bref, selon une étude parue dans Journal of Anatomy, l'évolution anatomique de l'espèce humaine se poursuit. Et ce sont des chercheurs australiens qui ont remarqué ce subtil changement de notre anatomie. Après l'autopsie de plus de 80 corps et une comparaison avec des données vieilles de 1880, nous sommes de plus en plus nombreux à posséder un vaisseau sanguin supplémentaire au niveau du poignet. Alors c'est plus ou moins une surprise, parce que depuis le XVIIIe siècle, les anatomistes l'étudient. Cette artère médiane se forme assez tôt chez le fœtus, puis elle est censée disparaître au cours de la croissance. Elle est trois fois plus courante aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'elle permet une meilleure irrigation des doigts, on ne sait pas. Mais si cette tendance se poursuit, une majorité de personnes auront cette artère d'ici 2100. Tout le monde en studio a regardé ses poignets, je tiens à le dire, et je pense que vous avez fait la même chose chez vous. Allez, cette semaine, on a évidemment beaucoup parlé des différents prix Nobel tout au long de la semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi. On ne va pas revenir dessus, on peut vous remettre les liens sur notre fil Twitter. Il a également été question tout de même des données dont dispose le gouvernement pour prendre ces mesures de restriction sur la pandémie de Covid-19, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Cette semaine, une enquête de l'OMS sur 130 pays montre que la pandémie de Covid-19 a perturbé ou interrompu les services essentiels de santé mentale dans quasiment tous les pays. De plus, entre les deuils, l'isolement, une précarité et une anxiété à la hausse, l'OMS annonce que la demande en matière de santé mentale augmente. Elle préconise plus de ressources pour ce pan négligé par les politiques de santé publique. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les certificats de virginité seront interdits en France. Les médecins qui réalisent cette attestation médicale risqueraient un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Un nouvel article serait ajouté au code de la santé publique contre cette pratique marginale. Et enfin, SpaceX vient de signer un contrat avec le Pentagone. D'ici 2022, la compagnie d'Elon Musk va construire pour l'armée américaine 4 nouveaux satellites militaires pour détecter les missiles. Et notamment les missiles balistiques intercontinentaux qui parcourent de longues distances et qui sont difficiles à localiser. SpaceX continue donc d'étendre son empire et les États-Unis renforcent leur défense spatiale. Et comme chaque vendredi, on termine par la rubrique de science improbable. Selon une étude parue dans Scientific Reports, pour communiquer avec votre chat, vous pouvez lui faire des clins d'œil lents. Oui, vous avez peut-être déjà vu un chat cligner des yeux et les rétrécir tout doucement dans votre direction. Alors ce n'est pas du tout parce qu'il somnole ou parce qu'il s'endort. Des chercheurs britanniques ont mené une série d'expériences avec une quarantaine de matous et ils prouvent que ce mouvement de paupières tient un rôle dans la communication chat-humain. Il serait l'équivalent d'un sourire pour chat. Les scientifiques ont pu même confirmer que cette expression permet aux félins, qu'ils vous soient proches ou étrangers, de s'approcher et d'être réceptifs aux humains. Voilà, j'imagine que tous les propriétaires de chats sont en ce moment en train d'essayer ce clin d'œil. Moi, ça fait très longtemps que je le pratique. Moi, j'appelle ça des bisous de chat. C'est consternant, mais oui, c'est vrai que je communique comme ça avec Gaston. Mon Dieu, c'est vraiment de plus en plus intéressant ma vie avec mon chat à l'antenne. Merci beaucoup, Natacha, pour ce journal des sciences. On va faire un petit tour de table quand même autour de ces différentes actualités. Philippe, je vous voyais un peu dubitatif sur cette étude et sur la question des fragments de Vénus sur la Lune. Ça ne vous paraît pas très solide ? C'est le prépublié. Oui, c'est une hypothèse intéressante, mais pour que des fragments de roches projetés par des impacts viennent de Vénus sur la Terre, ça demande quand même pas mal d'énergie. C'est plus facile d'aller vers Mars, de Mars vers la Terre que de Vénus vers la Terre. Ensuite, la Lune peut être polluée, entre guillemets, par ces fragments. J'ai cru lire dans le communiqué de presse que c'était 0,02% des roches. Alors, ça vaudrait peut-être le coup, avant de lancer des nouvelles explorations, d'essayer de voir dans les 382 kilos de roches lunaires ramenées par les astronautes d'Apollo, si on trouve quelque chose qui est de l'ordre de cet indice-là. Je rappelle que lors de la mission Apollo 14, les astronautes avaient trouvé des roches un peu bizarres, et en fait, c'était des roches terrestres sur la Lune. Donc ça, on a déjà trouvé, mais la Lune est très proche de la Terre. Juste une question, pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'aller de Vénus vers la Lune, parce qu'on pourrait imaginer que ça va dans le sens du vent solaire et que plutôt que de Mars vers la Terre. Les cailloux, si vous voulez, sont pas poussés par le vent solaire, ou alors très peu. Par contre, il leur faut une énergie qui aille contre la gravité, celle du Soleil, celle des planètes, et donc là, c'est moins facile. Ça veut pas dire que c'est idiot. On a pensé à avoir des fragments comme ça venus de Mercure ou de Vénus, déjà, mais les chances restent quand même très infimes. C'est intéressant, mais faudrait peut-être essayer avec des échantillons qu'on a déjà. On a beaucoup parlé de la phosphine, on a fait une émission mardi sur les biosignatures. Aujourd'hui, votre regard à vous sur ce géant qui a accouché. Oula, on a combien de temps? 10 secondes? Non, on a le temps que vous voulez. Non, mais elle est très intéressante, cette histoire de phosphine, parce que elle est complexe. Elle est pas simple, elle est pas caricaturale. Vous avez d'une part les chercheurs qui ont eux communiqué. Vous avez le journal scientifique qui a communiqué à l'avance. Il y a eu du battage avec l'organisme scientifique auquel étaient rattachés les chercheurs qui ont dit, attention, dans quelques jours, il y aura une annonce incroyable. Vous avez l'administrateur de la NASA qui a dit, c'est une grande annonce, c'est une annonce fondamentale. Vous avez dans leur papier les chercheurs qui disent à la fois on n'est pas sûr d'avoir détecté, ils mettent toutes les précautions qu'il faut comme des chercheurs dans ce cadre-là, et en même temps ils tirent des conclusions où ils disent bon, la phosphine, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité que une origine biotique. Et donc, vous voyez, ça fait un amalgame extrêmement complexe. Vous avez là-dessus différents médias qui forcément s'en emparent parce que ça a l'air intéressant, des grands médias qui peuvent le retransmettre comme ça sans trop de recul. Ceci dit, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même eu il y a quand même un débat, que bon, dans le public, c'est pas passé qu'il y a de la vie sur Vénus, Dieu merci, et ça continue. Il y a encore une pré-publication comme quoi dans les données d'une sonde qui avait été lancée en 1978 dans l'atmosphère de Vénus, qui a reniflé l'atmosphère de Vénus, il y aurait peut-être les traces de cette phosphine qu'on ne cherchait pas à l'époque. Alors ces résultats sont déjà contestés par d'autres, donc il va falloir aller voir. Le 15 octobre, il y a la sonde BepiColombo qui va passer au ras de Vénus. Il y a un instrument qui n'est pas fait pour ça, mais il va quand même être mis en service pour essayer de voir si on ne voit pas cette phosphine. Et enfin là, ils ont été pris de court un peu pour se préparer. Dans un an, il y aura de nouveau un survol. Ils vont essayer de mieux calibrer pour essayer d'en savoir plus. En tout cas, c'est intéressant. BepiColombo qui va explorer Mercure. Voilà, qui va explorer Mercure, mais qui passe encore une fois pour des questions d'énergie d'orbite des planètes. Elle se fait assister par la gravitation de Vénus pour aller vers Mercure. Ouais, donc cette histoire, ça rappelle aussi celle du métal martien. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu plusieurs détections à plusieurs années par plusieurs moyens, des télescopes terrestres, des sondes en orbite autour de Mars qui avaient détecté du méthane. Et le méthane, il y a deux possibilités. Ou c'est biotique, c'est le résultat de la vie, ou c'est une formation, des formations géologiques. Et ben en fait, la détection aujourd'hui, elle est pratiquement remise en question. Alors qu'on déblatérait là-dessus, pratiquement, on essaie de déjà fonder des hypothèses. Donc je crois que sur cette histoire de phosphine, c'est intéressant. Mais il faut déjà assurer que la détection est réelle. Marion, Loïc, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir dans ce journal des sciences ou dans l'actualité de la semaine sur les prix Nobel, Loïc? Je veux bien réagir à l'actualité concernant Tadata. En fait, j'aimerais bien que les autres réseaux sociaux fassent pareil avec ce que tout le monde met dessus, quoi, que ce soit, enfin, je vais pas les citer, mais vous voulez être payé par Facebook, en c'est fait. Ça, exactement. Vous voulez un petit complément de salaire. Voilà. Bon, après, pour vos photos de vacances. Après, on peut discuter sur la notion de données, privées, puisqu'en fait, quand on les met dans un espace comme ça, elles sont plus privées d'emblée, quoi. Ça agit plus de données sociales et on est normalement conscient du fait que ça peut être récupéré derrière. Mais oui, je veux bien que Facebook me paye un peu, quoi. Marion? Moi, évidemment, la recherche sur les chats m'a fait penser à une autre recherche d'éthologue qui avait vraiment filmé avec une caméra à très haute vitesse les tout micro-mouvements du visage des muscles des chats, des chiens et des singes. Et ils se sont rendus compte que le champion de l'expression était le chat. C'est celui qui est le plus expressif, sauf qu'on ne le voit pas parce que c'est vraiment minuscule. Et quand votre chat vous griffe, en vérité, les éthologues disent il vous a dit 7 fois qu'il en avait marre. Donc c'est par des micro-trucs. Et le chien le fait aussi avant de vous mordre, mais vous l'avez pas vu, s'il léchait les babines, etc. Et c'est voilà. Donc surveillez bien votre chat. C'est passionnant parce qu'il y a pas mal d'études et je pense qu'on va faire une émission bientôt là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont en train de revenir complètement sur cette idée reçue selon laquelle le chat serait cette espèce d'animal lointain, distant, qui s'en moque. En fait, il y a même une étude assez récente qui montre que les liens que le chat tisse précisément avec ses maîtres seraient plus forts que les liens que peuvent avoir les chiens avec leurs maîtres. Incroyable. Et ils reviennent de loin, ces chats, puisqu'il y a eu un projet d'amendement qui a failli en faire des nuisibles, et donc ils auraient pu être la cible de battus, et finalement, c'est pas passé. Donc. On ne touche pas à Gaston. Ils ont dû faire des clignements au début. C'est un clignement. Peut-être qu'ils essayent de nous contrôler par la pensée, mais c'est autre chose. On verra ça plus tard. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, avec un peu de retard, on attaque le premier des dossiers de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, le microbiote. Hein, nous vous en avons souvent parlé à ce micro, comme d'un continent de microbiologie qui venait de s'ouvrir et qui restait encore à explorer. Le microbiote, on le met, il est vrai, depuis quelques années, parfois un peu à toutes les sauces. On lui attribue toutes les vertus, toutes les promesses, parfois d'une médecine personnalisée, individualisée, donc adaptée à nos microbiotes individuels. Mais que sait-on vraiment sur ces fameux microbiotes? Parce qu'il n'y en a pas qu'un, nous en avons plusieurs à différents endroits de notre corps. Je vous rappelle qu'a priori, nous avons plus de micro-organismes que de cellules dans notre organisme. C'est ce à quoi, eh bien, tâche de répondre le hors-série spéciale de Pour la science, les vrais pouvoirs du microbiote sur notre santé. Et comme vous le savez, depuis l'homme araignée, à grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Ce sont les vôtres, Loïc Mangin, tout sur le microbiote. Alors, pour le coup, oui, vous avez effectivement raison de mettre ça au pluriel, puisque quand on pense microbiote, par réflexe, on pense microbiote intestinal, mais en fait, notre corps est habité de diverses flores, et donc ça peut être la flore buccale, à qui on doit la plaque dentaire et des caries et des maladies des gencives, pas très réjouissant tout ça, enfin donc brossez-vous les dents, ça peut être le microbiote pulmonaire, qui est vraiment une flore qui a en fait longtemps été ignoré, voire on n'imaginait pas que ce soit possible. Et en fait, on découvre depuis une dizaine d'années que les bactéries sont nombreuses. Elles sont là dans des poumons sains. Étonnamment, la moitié sont anaérobies. Ça veut dire qu'elles supportent pas l'oxygène alors qu'elles sont dans les poumons. C'est très étonnant. Mmh. Et donc, elles participent à plein de rôles sur la santé. Et par exemple, certaines bactéries facilitent ou au contraire empêche le SARS-CoV-2 d'infecter différentes cellules par un mécanisme qui implique des glycosides à la surface des cellules pulmonaires. Mmh. Et on parle de bactéries, mais en fait, il n'y a pas que des bactéries. C'est vraiment, quand on parle de microbiote, c'est toute une faune et une flore. Voilà. Dans les poumons, c'est vraiment... C'est que des bactéries. Voilà. Mmh. Alors maintenant, si on se penche un peu sur le microbiote cutané, là, effectivement, on a des bactéries, mais on a aussi des levures, on a aussi des petits acariens qui sont plus ou moins ragoûtants, enfin qui ressemblent à des espèces de petits vers à huit pattes, donc ça s'appelle des démodex, et qui sont à la base des follicules pileux, et qui sont vraiment des bestioles assez étonnantes. Mmh. Enfin, juste puisqu'on est, vendredi et qu'on a décidé d'être iconoclaste, en fait, c'est les animaux qui n'ont pas d'anus, et qui ont un tube digestif particulièrement efficace, et du coup, leurs seuls déchets sont sous forme gazeuse. Et du coup, voilà, ils ont un microbiote, pour le coup, sans doute, eux, très particulièrement efficace. Et ils ne font que grossir à mesure qu'ils vivent. Et je crois qu'ils finissent par exploser à la fin. D'accord. Mais, voilà. Mais donc, petit feu d'artifice d'acariens à la surface de la peau tous les jours. Voilà. Voilà. Okay. Donc, on ne sait pas trop s'ils sont... les espèces qu'on trouve chez l'être humain sont plutôt bénignes. Chez d'autres animaux, chez les vaches par exemple ou chez les chiens, ça peut déclencher des maladies vraiment importantes et graves quoi. Mmh. Et donc effectivement, on trouve aussi plein de bactéries. Donc c'est les grandes familles classiques qu'on trouve aussi dans l'intestin. Ce qu'on peut dire sur le cutané, c'est que par exemple la faune, enfin la flore. Varie selon l'humidité de l'endroit où vous trouvez. Donc il y a des zones sèches, il y a des zones humides, il y a des zones un peu intermédiaires. Et dans ces cas-là, la répartition, la diversité des espèces va varier selon les conditions. C'est-à-dire en fonction de l'endroit. Si vous changez d'habitat, par exemple, votre microbiote cutané va changer, va évoluer en fonction de l'endroit. Non, ce que je veux dire, c'est pas sur votre peau, il y a des zones qui sont sont plus humides que d'autres. D'accord. Sous vos aisselles, par exemple, la flore qui est sous vos aisselles va être radicalement différente de celle que vous allez trouver dans la paume de votre main, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un certain nombre de, on a même des bactéries, des cyanobactéries qui sont photosynthétiques. Oui, on se demande bien ce qu'elles font là, d'ailleurs. On fait de la photosynthèse, en fait. Peut-être qu'un jour, on va arriver à une fusion, parce qu'on doit tellement de choses au microbiote que, imaginons qu'un jour on puisse domestiquer ces cyanobactéries pour les élever. D'autres organismes l'ont fait, hein. Des limaces de mer ont fait ça et donc sont devenus plus ou moins photosynthétiques. Pourquoi pas nous un jour? Mais alors du coup quand on regarde, si on s'intéresse à ce microbiote cutané, c'est responsable en fait d'énormément de choses. C'est une énorme protection. Enfin c'est vraiment quasiment la première couche de protection contre les agressions extérieures. Oui voilà. Donc avec plusieurs mécanismes, à commencer par l'acidité en fait. Les bactéries qu'on a sur notre peau vont se livrer à une sorte de fermentation lactique qui va diminuer l'acidité à la surface, et ça c'est déjà une première barrière. Mais ça va beaucoup plus loin, on trouve des bactéries qui vont produire des antibiotiques par exemple la lugdunine, qui est très efficace contre les staphylocoques dorés. Et on trouve aussi des levures, donc des malassezia, qui sont par ailleurs responsables des pellicules dans les cheveux, mais qui vont aussi produire des enzymes, des protéases, qui vont dégrader, par exemple, le biofilm dans lequel, le biofilm, c'est une espèce de structure un peu plus ou moins organisée, dans lequel vont se terrer des bactéries, en l'occurrence, à nouveau, des staphylocoques dorés. Mmh. Et du coup, c'est pareil, c'est, voilà, ces protéases vont aussi nous protéger contre ces staphylocoques dorés, qui, une fois qu'ils déclenchent une infection, c'est vraiment très difficile de s'en libérer, quoi. D'autant plus que ça fait partie des bactéries qui sont facilement antibiorésistants. Ouais. Donc ça peut causer des maladies effectivement très, très compliquées à chasser. Il y a plein de choses intéressantes sur ce microbiote cutané. Par exemple, nous sommes de véritables usines à relâcher autour de nous 37 millions de bactéries et plusieurs millions de levures que notre corps relâche chaque heure. C'est-à-dire qu'on desquame le microbiote. Chaque petit fragment desquamé est en fait un vaisseau qui emporte avec lui une part de notre microbiote. Mais bon, ça se renouvelle rapidement, quoi. Et alors, puisqu'on va parler des Ig Nobel avec Marion tout à l'heure, donc notamment on parlait tout à l'heure du microbiote qui est lié à la transpiration, et donc l'odeur de transpiration est notamment liée à l'action particulière d'une bactérie qui transforme un peptide que l'on produit naturellement inodore dans le sébum et qui va le transformer en quelque chose au contraire d'un peu puissant. Voilà, c'est une des réactions qui explique les odeurs corporelles. Et donc il y a effectivement ces bactéries là, il y en a d'autres qui vont produire de l'acide propionique, c'est typiquement l'odeur de l'emmental, du gruyère. Et donc voilà, quand on met ces bactéries là, donc je crois que c'est des brévibactéries. Sans d'autres. Quand on les met avec du lait, elles vont digérer les lipides pour en faire de l'acide propionique, on va faire du gruyère. Ces mêmes bactéries sur votre peau vont digérer les lipides de votre sébum, de votre sueur, et vous allez sentir le gruyère. Sympathique. Avec d'autres composés, d'autres bactéries vont libérer, par exemple, des produits soufrés ou des produits azotés comme de l'ammoniac. Et donc là, c'est de pire en pire au niveau des odeurs. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évolue avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a finalement le microbiote se transforme avec l'âge. C'est pour ça qu'on ne sent pas le même type d'odeur corporelle quand on est adolescent, quand on est adulte ou quand on est plus âgé. Effectivement, il y a une évolution du microbiote. Donc ça, c'est valable pour le cutané, mais c'est valable pour d'autres aussi. Et ce qu'on peut dire aussi sur ce dégagement de produits plus ou moins agréables au nez, c'est aussi que ça a un effet sur les moustiques, par exemple. Oui, ça c'est génial, ça. Voilà. Donc on a justement les brévibactéries dont je parlais, qui vont, à partir des produits soufrés qu'on va laisser sur notre peau, produire des molécules, donc ça répond au doux nom de méthanthiol, par exemple, qui sont typiquement les odeurs dégagées par des fromages assez appétissants, comme le Munster ou le Vieux Lille. C'est les mêmes bactéries qui vont aussi produire du carotène qui donne à ces fromages une couleur orange. Et ces bactéries-là, on les trouve un peu sur nos pieds. Et regardez votre plante. Des pieds, surtout si vous conduisez, pas maintenant. Et surtout si vous avez des brévibactéries, vous risqueriez une asphyxie. La couleur des pieds est un peu orangée, quoi. Et donc on s'est rendu compte que outre le CO2 libéré par la respiration, les moustiques sont aussi sensibles à ces odeurs et à d'autres aussi, à l'acide lactique, à l'acide butyrique. Donc en fait c'est une équipe danoise, je crois, qui préconise presque d'empêcher des moustiques de venir sur vous en mettant un Vieux Lille au fond de votre chambre. C'était aux Pays-Bas, le prix Nobel de biologie en 2006, donné à Barknols et Ruurd de Jong, j'espère que ça se prononce comme ça, qui montre qu'un fromage à croûte orange, donc justement le Vieux Limbourg, attire efficacement les moustiques, ce qui vient de transformer ou pas vos soirées d'été, donc voilà, plutôt en extérieur. De préférence. La citronnelle ne marche plus, mais était un bon fromage. Un vieux Limbourg, et ça attire les moustiques. Le hors-série traite évidemment de plein de sujets, pas uniquement du microbiote cutané. Mais ce qui est intéressant, c'est que à force d'études, on se rend compte que l'hygiénisme contemporain n'est pas qu'une bonne chose. C'est-à-dire que finalement, il faut se laver trop, c'est plutôt plus mauvais pour nous que bénéfique. Ah, en fait, c'est un cercle vicieux. Plus vous prenez de douche, plus vous allez sécréter du sébum, et donc plus vos bactéries vont le digérer, le fermenter, et plus l'odeur corporelle que vous avez essayé de chasser par cette douche va revenir rapidement. Donc, il faut y aller mollo sur la douche, d'une part. D'autre part, évitez les produits un peu trop abrasifs, genre peeling, etc., parce que là, ça va effectivement vous donner une peau très lisse, mais tout le microbiote va disparaître, et tous les effets bénéfiques dont on a parlé avec. Alors, autre dossier dans ce hors-série sur le microbiote de Pour la Science, ce qui est intéressant, c'est que le microbiote pourrait être l'une des explications de la longévité particulière de l'espèce humaine, hein, parce que c'est vrai que par rapport aux autres membres du règne animal, notre longévité est vraiment prolongée et ça pourrait avoir un lien avec le microbiote, et en l'occurrence le microbiote digestif. Voilà. Alors ça, c'est une très jolie histoire. En fait, ce qui nous distingue de nos... Quand on regarde un petit peu l'espérance de vie de différents animaux, on voit que, par exemple, je sais pas moi, par rapport au volume du corps ou par rapport au volume du cerveau, on a à peu près une belle courbe. Et l'être humain est en dehors. Et donc, on se demande qu'est-ce qui peut le distinguer de ses cousins primates. Et quand on réfléchit, on se dit que d'une part, il est omnivore, mais d'autre part, surtout, la grande différence, c'est que depuis 1 500 000 ans, il a domestiqué le feu pour cuire ses aliments, notamment. Et quand on la cuisson, effectivement, ça donne des très belles odeurs, celle du poulet rôti, celle du pain, mais ça produit aussi des composés chimiques qui sont rapidement toxiques. Donc c'est ces produits qui sont synthétisés au terme de la réaction dite de Maillard. Et ces composés vont aussi après se transformer. On parle de réarrangement d'Amadori, etc. Donc on obtient plein de composés qui sont très toxique. La réaction de Maillard, c'est ce qui donne le goût, en fait, en général, la caramélisation des aliments, la texture, la couleur de la croûte du pain, etc. C'est ce qui, a priori, est le rôle positif, en tout cas pour la saveur dans la nourriture, mais ça produit aussi des déchets qui, eux, peuvent être toxiques. Voilà. Et en fait, ces produits-là, étonnamment, notre corps les fabrique aussi dans un processus beaucoup plus long, beaucoup plus lent, et en fait, ils sont liés au vieillissement. Et quand on a domestiqué le feu, qu'on s'est mis à consommer des aliments cuits, il a fallu un petit peu, je ne vais pas faire de finalisme, mais notre corps a été confronté à cette avalanche beaucoup plus violente de produits chimiques. Et il se trouve qu'on s'est adapté grâce à notre microbiote qui a coévolué de façon à prendre en compte ces produits liés à la cuisson. Donc on a du coup sélectionné un microbiote qui est équipé d'enzymes pertinentes, adéquates et ce genre de choses. Nos propres cellules ont aussi récupéré des gènes qui aident à éliminer ces produits toxiques. Et du coup, on s'est retrouvé avec des armes qui nous défendent d'autant mieux contre ces produits de cuisson, mais aussi contre les produits du vieillissement, qui sont un peu les mêmes, sauf qu'il y a une échelle de temps qui est différente. Et, en conséquence, on suppose que ça s'est traduit par un allongement de la durée de vie. Voilà, c'est plein de choses assez passionnantes à lire dans ce hors-série consacré au microbiote. Une réaction des nôtres, Marion, qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces histoires d'odeurs, de bactéries, de levures? J'avais lu en effet aussi qu'il était possible qu'on choisisse nos partenaires de vie ou sexuels en fonction de... Comment dire, notre cerveau analyserait la salive de l'autre, de sa composition bactérienne, parce qu'elle nous donnerait aussi des informations sur l'état de santé de son système immunitaire en fonction des bactéries qui restent. Oui. Pareil pour les odeurs, littéralement, quand on dit je peux pas sentir quelqu'un, apparemment c'est pas encore vérifié, mais on se demande s'il y a pas aussi des corrélations avec les odeurs sont produites par des bactéries qui sont aussi le marqueur de la santé de la personne. Donc on choisirait quelqu'un aussi en fonction des bactéries, en fait, de son microbiote. Alors effectivement, il y a des expériences. Alors, chez l'être humain, on a encore du mal à se prononcer, mais chez des animaux, on a bien réussi à montrer que le microbiote influe sur le choix du partenaire sexuel. Ça va même plus loin chez certains, je crois que c'est chez des guêpes. En gros, le microbiote est responsable de la barrière d'espèce. Selon qu'on change le microbiote, selon que le microbiote est modifié ou pas, une guêpe va s'accoupler avec un autre insecte qu'on supposait de la même espèce. Mais en fait, quand on lève le microbiote, non, elles sont complètement fécondes et elles vont l'une vers l'autre. Et voilà. Donc en fait, c'est notre microbiote qui décide de tout. Ce qui fait que la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous voulez passer un petit bout de temps, vous pouvez lui dire « t'as un beau microbiote bébé ». So long to have made it this far. Ooh, it's been such a long ride. see. Can you believe it happens now? It happens here. Can you believe? Can you believe? Or really care? Can you believe it happens now? It happens here to us. Oui, un B-side, une phase B de Queen, Human Body à 16h35 sur France Culture, puisqu'après avoir parlé du corps humain et des nombreux microbiotes qui peuvent bien déterminer notre odeur, notre longévité et plein d'autres choses encore, nous allons partir dans l'espace avec cette question, mais où sont-ils donc? Sur Vénus, hein, on l'évoquait tout à l'heure, est-ce que cette fameuse phosphine est la trace d'une vie extraterrestre dans les nuages de notre planète sœur, comme nous en avons parlé tout à l'heure? Il y a encore beaucoup de preuves à accumuler avant de pouvoir conclure à une trace de vie ou à une biosignature, mais alors où sont-ils? Il y a tellement d'étoiles, hein, c'est vrai quand on regarde le ciel nocturne, tellement de planètes qu'ils doivent bien être quelque part ces fichus extraterrestres. Ce où sont-ils, c'est la question que se posait en 1950 le physicien Enrico Fermi, qui a conduit à la formulation de ce paradoxe, hein, paradoxe de Fermi verbalisé par Carl Sagan. Tant d'étoiles, tant de possibilités de vie, comment se fait-il que nous n'en ayons pas encore rencontré? À cette question, Philippe Hénaré-Ross, il y a une nouvelle solution qui vient d'apparaître et qui est formulée par un astrophysicien de l'observatoire Nice-Côte d'Azur. Oui, alors ce paradoxe, c'est une question à laquelle quand même déjà beaucoup de gens ont répondu depuis 1950. Il y a environ 70 réponses comme ça, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de réponse à cette question pour l'instant, en fonction de ce qu'on prend en compte. Et en fait, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce paradoxe, on considère que la civilisation technologique humaine est une civilisation banale, c'est-à-dire que nous ne sommes ni les premiers, ni les plus avancés, ni les derniers, mais on est quelque part au milieu du classement dans la galaxie, si jamais il y en a d'autres, et que donc, dans ces conditions-là, avec les milliards d'années qui se sont écoulées depuis la formation des premières étoiles dans la galaxie, eh ben, ce serait bien le diable si des extraterrestres plus évolués que nous, s'ils ont 1 million ou 30 millions d'années d'avance sur nous, technologiquement, ils devraient être là, ils devraient avoir conquis toute la galaxie. Or, ils ne sont pas là, d'où paradoxe. Donc, tentative de réponse de la part des astronomes, et puis pas que d'ailleurs, des auteurs de science-fiction, des artistes, tout le monde y est allé. La réponse communément admise, c'est de dire que c'est un problème de conjonction de l'espace-temps, c'est-à-dire de dire finalement l'univers a 13,6 milliards d'années pour qu'on ait quelqu'un qui soit au même stade ou un peu plus développé que nous dans un rayon suffisamment proche pour communiquer, bah là, les probabilités s'effondrent. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand même, il y a deux contraintes énormes dans l'espace. Ce sont les distances, qui sont incroyables, quand même, entre les étoiles. On a beau dire Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche du Soleil. Elle est à 4,3 années-lumière. Comme ça, c'est une unité, ça n'a pas l'air très long. 4,3, c'est un petit chiffre. Mais une année-lumière, c'est près de 10 000 milliards de kilomètres. Donc, vous multipliez ça par 4, déjà, ça fait beaucoup. Donc, la première chose, c'est la distance. Et encore, si on pouvait se déplacer à une vitesse infinie, ce serait pas un problème. Il suffirait d'inventer le vaisseau qui va bien. Sauf que ça, c'est pas possible. Les lois de la physique nous interdisent de dépasser le 300 000 km à la seconde, qui est la vitesse de la lumière. Et encore, pour l'atteindre, il y a du boulot. Pour l'approcher, même. Pour l'approcher. Même 10%, c'est compliqué. L'atteindre est impossible. Ouais. L'approcher, même 10%, ce serait incroyablement gourmand en énergie. Donc là, effectivement, ce que vous dites, c'est que c'est la première réponse. C'est-à-dire, en l'état actuel de nos connaissances de la physique, c'est-à-dire avec les contraintes que nous avons, le radar à 300 000 km à seconde qu'on ne peut pas dépasser, et les les distances qu'on a, c'est sûr que ça pose problème. Malgré tout, on peut imaginer des civilisations suffisamment avancées pour qu'on crée, peut-être à base d'astéroïdes ou tout ce qu'on peut imaginer à la science-fiction, des vaisseaux suffisamment gras pour mettre dedans des colons, comme on a fait d'un continent à l'autre sur l'histoire de la Terre, que ces gens voyageraient comme ça, comme dans Galactica, pendant des siècles, voire des millénaires, et qu'ils arriveraient enfin sur une Terre promise de l'autre côté de l'espace. Mmh. Et donc, à ce rythme-là, malgré ces distances-là, vu les millions et les milliards d'années qui se sont écoulées, s'il y en a d'autres, ils devraient être là. Or, ils n'y sont pas. Tentative de réponse. Alors, c'est marrant parce que à chaque époque va sa réponse. Mm-hmm. Par exemple, dans les années 80, il y avait une forme de réponse qui était très teintée de l'air du temps. C'était si les extraterrestres sont pas là, c'est que à partir du moment où on devient une civilisation très technologique, on a l'arme nucléaire et on s'autodétruit. Mm-hmm. Vous voyez bien qu'il y a un biais qui nous vient de notre propre histoire modèle, qui est qu'à l'époque c'était la guerre froide et qu'on risquait de se détruire à coup de bombe nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que si on remonte plus tôt, les premières solutions qui étaient données pour communiquer, c'était de dire on va planter des forêts de manière complètement géométrique pour dire que si quelqu'un nous regarde, on verra que ces forêts ne sont pas plantées de manière régulière. Oui, là ça s'adressait à des mondes proches, c'était Mars ou Vénus. Mmh. Mars est d'ailleurs très proche de la Terre en ce moment. Si vous regardez avec un télescope, vous voyez des choses, des formes sombres à la surface. Donc les canaux de Schiaparelli. Voilà, les fameux canaux. Donc à l'époque, on était là-dedans, on se disait, si on voit les canaux de Mars, les Martiens devraient voir les lettres qu'on va dessiner dans le désert du Sahara à coup de forêts plantées de manière géométrique. Donc il y a effectivement un biais qui viennent de chaque époque, mais là, cette fois, on est aussi dans une autre époque, il y a un astrophysicien de l'Observatoire de Côte d'Azur, Aurélien Crida, qui est spécialisé plutôt dans la planétologie, il s'occupe d'histoire de formation des anneaux de Saturne, etc., satellite de Saturne, tout ce qu'on veut, mais il s'est interrogé lui aussi à son tour sur ce problème-là, et lui, il a dit j'avance une hypothèse, c'est que finalement, la réponse, elle vient peut-être des maths, c'est-à-dire que si on regarde notre taux de croissance actuel, qui est directement corrélé à notre taux d'augmentation de consommation d'énergie, c'est-à-dire si vous avez 2% de PIB en plus chaque année, vous consommez 2% d'énergie en plus chaque année. Et donc il y a notre évolution technologique. Et donc, voilà. Mm-hmm. Et donc avec tout ce qui va, c'est-à-dire notre modèle, ce qui fait que notre civilisation globale, on ne va pas rentrer dans les détails de tous les peuples de la Terre, mais en gros, si on prend la Terre comme une civilisation globale, c'est ce qui fait qu'on progresse au rythme qui a été le nôtre, et c'est notre modèle jusque-là. Eh bien ce modèle, dit-il, Aurélien Crida, si on le perpétue un peu, ça a l'air de rien, mais en gros, tous les 35 ans, on doit doubler la consommation d'énergie. Il en arrive à un constat qui est très simple, c'est qu'entre 2000 et 2019 ou 2020... Donc 2001 et 2019. Voilà, c'est ça. On a doublé la consommation d'énergie et la production de richesses par rapport à toute l'histoire qui a précédé jusque-là. Donc, en 20 ans, on a consommé autant d'énergie et de richesse que l'intégralité de l'histoire de l'humanité. Exactement. Et si on se projette un peu dans le futur, on se rend compte que dans environ 450 ans, on sera pas loin de 10 000 fois la consommation d'énergie d'aujourd'hui. Vous voyez où je veux en venir, déjà, ça commence à poser problème, puisque l'énergie qu'on produit aujourd'hui, elle est quand même très carbonée. Admettons qu'on arrive à faire de l'énergie qui soit pas carbonée du tout. Et continuons quand même. Vous arrivez en l'an 3600, c'est pas si loin après tout. Là, il nous faut... Non, mais par rapport à l'histoire, oui, c'est rien du tout. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça fait des millénaires qu'elle est spécimen. On est là depuis... On arriverait à la consommation de l'énergie produite par le soleil. Et 35 ans plus tard... Donc, En 3635, voilà. On aurait besoin de deux étoiles. De deux soleils. Parce qu'en 3600, c'est un soleil, mais en 3635, 35 ans plus tard, puisqu'on double tous les 35 ans, on serait à deux soleils. Et évidemment, 35 ans plus tard, il vous en faudrait quatre. Et vous arrivez rapidement à toute l'énergie de la galaxie, en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Et on s'aperçoit que ce modèle, qui est le nôtre, c'est le seul qu'on connaît pour l'instant, ben il n'est pas tenable. Ça arrive à cette planète qu'on a pu voir dans Star Wars et que Aurélien Crida prend dans ses conférences qu'il fait sur le sujet, c'est Coruscant, dont vous avez peut-être souvenir, qui est une planète totalement vile. Il n'y a plus de champs. Mais elle n'est pas soutenable parce que où sont les champs, où ils mangent comment les gens? Il leur faut plusieurs planètes. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous actuellement. Donc, cette réflexion arrive à une réponse au paradoxe Fermi qui est que soit les extraterrestres, s'ils existent, ont décidé de lever le pied en termes de croissance et ça les a obligés à réduire drastiquement le rythme auquel ils explorent la Voie lactée. Soit ils ont continué comme nous, et ils se sont mis dans le mur et ils ne sont pas arrivés. C'est autodestruction. Mais dans tous les cas, s'ils ont ralenti, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas exploré, mais ça veut dire que, avec cette immensité dont on parlait au début, ces distances incroyables à franchir, et cette limitation de la vitesse de lumière, il va leur falloir encore pas mal de temps pour avoir conquis, ou en tout cas visiter toute la Voie lactée. Ils vont devoir avoir choisi les endroits où ils vont, fait des choix vraiment dans leurs explorations, et donc à ce moment-là ils sont peut-être à 4% ou à 5% de la Voie lactée, et on est dans les trous qui sont dans la raquette. On n'a pas été rencontrés. C'est ça, c'est-à-dire que d'après ces calculs, en diminuant et en limitant la croissance démographique de 1 à 1% par an, c'est-à-dire assez peu, donc mais qui reste néanmoins une croissance exponentielle, pas la croissance démographique. C'est la croissance économique. Économique, pardon. Parce que la démographie, on voit que la courbe est en train de s'aplatir. Croissance économique, ouais, pardon. Ils estiment que de toute façon, il y a une bulle indépassable de 300 années-lumière. C'est ça. Et ça représente, je crois qu'il y a, un exemple qui est pris par l'astrophysicien Aurélien Crida, et il dit si la galaxie, c'est Paris, vous voyez, Paris, ça va faire quoi, 8 km de diamètre 10, à peu près 10 sur 10 à peu près. Voilà, et ça fait, le périph' doit faire 33 km ou quelque chose comme ça, et bien ça fait une bulle de 30 mètres autour de vous. Donc voilà, il reste pas mal d'arrondissements à voir. Quoi. Après, la maison de la radio. Loïc. Il y a une troisième hypothèse. En fait, ils font comme les Chinois il y a quelques siècles. En gros, ils se referment sur eux-mêmes et ils se disent l'extérieur, on s'en fiche. Quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. Franchement. Ça faisait partie des hypothèses, c'est-à-dire de dire qu'en tout cas, que ce soit exprimé de cette façon-là, c'est-à-dire en le corrélant à la croissance économique et donc à la consommation d'énergie. Alors ensuite, il y a d'autres théories qui sont les sphères de Dyson, etc., mais ça, on est dans la science-fiction. Mais il y avait l'une des réponses au paradoxe du Fermi, c'est de dire qu'il y a de toute façon un niveau de consommation énergétique au bout duquel les civilisations s'effondrent. C'est ça, mais même dans le cas des sphères de Dyson, qui sont, je rappelle... Alors, faut rappeler ce que c'est, voilà. Des grandes... structures artificielles qui seraient construites par des extraterrestres, alors très très, très évolués, oui. Pour capter toute l'énergie de leur étoile, ce qui fait que à la fin, ils engloberaient leur étoile par une sorte de coquille technologique en fer, en tout ce que vous voulez. Mais vous voyez que même pour la sphère de Dyson, matériellement, il faut la construire, cette sphère. Et la matière de toutes les planètes autour des étoiles est-elle seulement suffisante pour faire une structure pareille? C'est-à-dire que même les sphères de Dyson, à la limite, sont conçues dans notre modèle de croissance et dans notre modèle de fonctionnement. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche d'Aurélien Crida, qui certes est très influencée par notre réflexion écologique. Bien sûr, aujourd'hui sur l'école, bien sûr. Mais elle montre que la Terre n'est pas infinie, enfin elle le rappelle, et elle rappelle qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, on fasse des choix. On va pas pouvoir... Ce modèle-là qu'on a de croissance à 2% idéal par an, ça fait un siècle qu'on le tient. Avant ça, il n'était pas comme ça. Sinon, on serait déjà dans le mur. Et donc, ça veut dire que quand est-ce qu'on s'arrête ? Il y a sans doute un moment... et en plus, il fait appel à une notion mathématique qui est l'exponentielle, donc ce doublement tous les X temps. Moi, je suis pas très fort en maths, mais en fait, j'ai assez vite compris. C'est qu'on ne se rend pas compte tout de suite que cette grandeur est en train de l'emporter. C'est-à-dire, si vous multipliez, vous mettez un grain de riz dans une case, vous en mettez deux dans une autre, vous en mettez quatre dans le suivant, au début de deux pour passer à quatre, puis à huit, puis à... Et à la fin, on a plus de riz que l'intégralité de l'Empire. C'est bon, voilà. Mais sauf que très rapidement, vous arrivez à toute la production de riz de la planète et vous ne pouvez pas les mettre sur la case. On ne peut pas avoir une croissance infinie avec des ressources finies. Absolument. C'est la leçon du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous avez bien sûr suivi avec nous fébrilement tout au long de la semaine l'annonce des prix Nobel de médecine, de physique et Cocorico Charpentier de chimie, de paix et de littérature aussi, mais pas chez nous évidemment, mais sur le reste de l'antenne de France Culture à n'en pas douter, eh bien d'autres prix ont été attribués sur d'autres types de travaux, comme chaque année les Ig Nobel, qui récompensent des recherches, je cite, qui ne peuvent pas ou ne devraient pas être reproduites, où il va être question d'alligators sous hélium, de tueurs à gages chinois, de bruits de mastication et de couteaux en caca, Marion Montaigne. Voilà. En fait, oui, le 17 septembre dernier ont été remis les Ig Nobel ou Ig Nobel aux États-Unis et qui récompensent les recherches qui, je pense, n'auront jamais de prix Nobel, mais qui sont des vraies recherches, mais toujours avec un intitulé assez poétique. Donc, oui, par exemple, en entomologie, une équipe a étudié le tragique cas de l'arachnophobie chez les ethnologues, les entomologistes. Et c'est beaucoup une histoire de longueur de pattes et de nombre de pattes qui les trouble énormément, et ça m'a fait penser à une autre recherche complètement improbable de thérapie contre l'arachnophobie, c'est de montrer tout ce qui ressemble de près ou de loin à des pattes, donc c'est des photos de dreadlocks, de trépieds. Il faut que Natacha Trier nous écoute, parce que Natacha Trier est une grande arachnophobe s'il en est. À base de photos comme ça pour désensibiliser, enfin bref, il y a tout. En acoustique, en effet, ils se sont demandé quel son produisait un alligator si on lui envoyait un bon bol d'hélium. Alors, pas grand chose apparemment, mais ça, vous voyez, ça a l'air absurde, mais ça pourrait être utilisé pour évaluer le volume d'un corps comme les ancêtres des oiseaux ou des reptiles que sont les dinosaures. Ça me rappelle aussi une autre recherche qui paraissait absurde, c'était quelqu'un qui faisait tomber qui calculait des nouilles cuites sur des tapis roulants de course. Donc en soi c'est absurde, mais ça a été utilisé pour les bateaux qui tirent des câbles sous les océans, parce qu'ils tombent un peu pareil comme des nouilles sur un tapis course. Mais alors juste, j'aimerais comprendre, Marion, pourquoi est-ce que, quelle est l'intention initiale de donner de l'hélium à des alligators, en fait? J'ai besoin d'un peu plus de détails. Pourquoi est-ce qu'on donne de l'hélium à des alligators? Je n'ai pas trop compris moi, donc, parce que c'est vraiment des vraies recherches, et je pense qu'ils analysent le retour tour du son pour avoir plus d'informations sur la longueur, la corpulence, la structure de l'animal. Et mais c'est vrai que l'intitulé est complètement absurde, mais c'est hyper sérieux. Oui, non, tout à fait. Les alligators, je crois que ça fait partie des espèces les plus bruyantes chez les reptiles non aviaires. Et on ne sait pas comment ils produisent leur son, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'être. Ça fait beaucoup de boucan, un alligator. Oui, apparemment, beaucoup plus bruyant qu'une tortue ou qu'un lézard. Et apparemment. Si vous vivez à côté d'un foyer d'alligator, moi, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Un enfer. Ils ont aussi travaillé sur les vers de terre, parce qu'en physique, ils ont analysé quelle forme prend un ver de terre vivant lorsqu'on le soumet à des vibrations à haute fréquence. Alors l'intérêt, c'est qu'ils ont dû avoir besoin d'un cylindre rempli de fluide, donc ils se sont dit on va utiliser des vers de terre. Mais j'aime bien que ce que j'apprécie, c'est que la recherche précise qu'il faut pas aller trop loin dans les fréquences, sinon le ver de terre sort un fluide un peu gênant, un mucus. Et du coup là l'idée c'est ça, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, en fait on se sert du ver de terre parce que c'est une forme naturelle de cylindre gélifié, c'est ça? Je pense que c'est le modèle en densité, en composition le plus idéal, plutôt que le reproduire à 10 000. Oui, Loïc. Je disais qu'un ver de terre, c'est métamérisé, donc c'est des tranches qui se succèdent, donc c'est vraiment pas un cylindre complètement homogène, quoi. C'est plus un train, quoi. Bon, en tout cas, on a fait vibrer des vers. Quoi d'autre cette année? Non, mais il y a aussi des choses pour un peu ironiques et pour mettre le doigt sur des problèmes un peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'ils ont remis aussi le prix Ig Nobel à l'éducation médicale à Trump, à Jair Bolsonaro, à Boris Johnson, à Vladimir Poutine, Loukachenko et Erdogan, pour, je cite, utiliser la pandémie du Covid-19 afin de montrer au monde entier que les politiques peuvent avoir un pouvoir de vie et de mort bien plus immédiat que celui des scientifiques et des médecins. Donc, Là, c'est vraiment pas très scientifique, c'est pour montrer ironiquement le mal qu'ont fait ces gens en étant justement absolument pas scientifique. Et c'est un deuxième prix Nobel pour Loukachenko qui avait déjà été remporté, qui avait le prix Nobel de la paix en 2013 pour avoir rendu illégal l'action d'applaudir, et un prix partagé avec la police biélorusse qui avait arrêté une personne sans bras, donc un manchot, en l'accusant d'avoir applaudi. Voilà. Alors, les Ig Nobel, pour finir, Marion, tout de même, ça pourrait être une de nos rubriques de sciences improbables. Moi, je trouve ça magnifique. C'est les couteaux de caca. Je suis désolé, faut y aller là. Ah, moi, j'avais étudié celui des sourcils. Vous n'avez pas les couteaux de caca, mais moi, je les ai, si vous voulez. Apparemment, c'est pas très efficace de faire des. Non, ça ne marche pas. Des couteaux en excréments. Congelé, ça va pas trop marcher. C'est ça. Non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on en arrive à vouloir faire des couteaux en excréments congelés. C'est parce que c'est une recherche ethnographique, puisque on estime qu'il y avait une légende inuite qui parlait d'un inuit qui aurait utilisé donc ses fesses pour faire un couteau et pour survivre en découpant un chien, pour démembrer un chien dont il aurait utilisé la cage thoracique comme un traîneau qu'il aurait accroché à un autre chien pour pouvoir aller voir l'Arctique. Et donc, pour vérifier si cette légende était vraisemblable, il fallait donc le refaire. Refaire expérimentalement et donc tenter et le couteau. Donc congeler en excrément. Voilà, c'est ça. Et ça ne marche pas donc. Et quand je pense que les extraterrestres ont dû passer par là aussi dans leur développement. Ça expliquerait pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Et est-ce qu'ils ont aussi utilisé un chien pour faire un traîneau ? Alors, je pense que ça s'est arrêté. On espère que ça s'est arrêté au couteau. En tout cas, n'essayez pas, si jamais il vous passe par la tête l'idée de vouloir tenter l'expérience du couteau. Non, ça ne marche pas. Un dernier mot très rapidement, Marion, parce que vous voulez nous parler d'un livre que vous adorez plus que tout, d'un auteur qui vient de sortir un deuxième livre, Bill Bryson. Ah oui, Bill Bryson, si vous ne connaissez pas, il a écrit Une histoire de tout, ou presque, traduit chez Payot. C'est vraiment génial. Il a décidé de rencontrer tous les chercheurs qui pourraient répondre à toutes les questions qui se posaient. C'est super. Et là, il a sorti son premier livre, c'était Une histoire de tout. Une histoire de tout, ou presque. Ou presque. Et je vous conseille si vous ne l'avez jamais lu. Et là, il a sorti Une histoire du corps humain, l'usage de ses occupants, qui est tout aussi bien. Okay, le point de départ de ce deuxième livre, c'est ? Eh bien, il décrit chaque élément du corps qui va des cheveux jusqu'au système immunitaire, aux os, etc., en ajoutant un peu de l'historique dans les découvertes scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre le corps. Donc, une histoire de tout ou presque, une histoire du corps humain à l'usage de ses occupants. Les deux sont chez Payot. On va vous mettre le lien vers les livres sur notre fil Twitter. Un tout dernier mot rapidement, est-ce qu'il y a d'autres actualités scientifiques dans l'actualité que nous aurions oublié, que vous auriez aimé évoquer l'un ou l'autre, Loïc ? Oui, pourquoi pas. Moi, je vais inviter les gens à sortir malgré tout. Voilà, parce que bien masqué. Aujourd'hui, voilà, masqué en appliquant bien les gestes barrières. Voilà, je les invite, surtout à Toulouse, à aller voir l'exposition de Résidence 1+2 qui commence aujourd'hui à la Chapelle des Cordeliers. Et donc, ça, c'est entre photographie et science. Ces trois artistes qui sont associés à des trois artistes photographes, un émérite et deux amateurs qui sont associés avec des scientifiques. Et on voit le résultat de ces projets exposés à la Chapelle des Cordeliers. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 1er novembre. Demain, il y a un colloque photographie et anthropocène. Et ben pareil, on va vous mettre tous les renseignements sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. C'était une super nouvelle équipe, mais une équipe tout à fait réjouissante. À la une de Ciel et Espace, Philippe. Les extraterrestres sont-ils verts ? C'est-à-dire, s'ils existent, ils sont forcément écolos. Donc, Loïc Mangin, le hors-série de Pour la Science. Consacré aux microbiotes et à leur vrai pouvoir. Les vrais pouvoirs et les vraies responsabilités. Et Marion Montaigne, le dernier album, c'était dans la combi de Thomas Pesquet. Il y a d'autres choses en préparation ? Il y en a eu un aussi, un tome 5 de Timon et moi bête. Et sinon, je continue là-dessus. Très bien. Et ben merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, François Malordi, Natacha Triou, Noémie Néguet, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Demain à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi avec un chouette programme pour la semaine prochaine, mais je vous laisserai le suspense. Vous pouvez aller voir sur le site de franceculture.fr. Tout est déjà consigné. Allez, à lundi jusqu'à preuve du contraire.